Bien, merci vivement pour cette communication à la fois élégante, savante, suggestive, cultivée et sensible, qui, après la ciselure des éclats de silence par François Ravier, nous a donné cette ciselure des éclats de langage. C'est incroyable comme les dérives, les dérapages, les égarements du langage peuvent porter de sens et devenir même, en quelque sorte, hypostasiés par certains textes, et notamment par la manière dont Proust a relevé et a compris et a transposé, bien sûr, en les modifiant, cette collection, ces florilèges de mots qui sont un peu séparés de la fluidité, qui sont comme des grumeaux, finalement, à l'intérieur d'une langue souple, la langue qui coule. Et puis, comment tout à coup, une concrétisation, une cristallisation, presque comme des calculs, viennent produire ces effets d'incongruité, voire ces effets d'horreur. Et on voit bien en vous, cher Damien, le spécialiste des passions chez Saint-Simon, dans la sensibilité que vous avez su tirer de ces égarements de langage. C'est une dimension qu'il restait à voir, peut-être, dans le cadre de cette journée d'études, que le fait qu'un accident de langage peut être aussi un accident meurtrier, et que cela peut faire mal, et que cela peut faire souffrir, et le départ que vous faites entre l'insensibilité et la sensibilité qu'il y a dans ces concrétions si habilement relevées et montées dans l'hypersensibilité de l'écriture proustienne révèle au sein de l'écriture aussi de Saint-Simon cette capacité d'émotion. Et si je parle à ce point d'émotion, c'est que maintenant c'est une communication un peu particulière que nous allons entendre et dans laquelle entre une part d'émotion. Tout le monde connaît François Formel pour un membre très ancien, très savant, très généreux de la société Saint-Simon, qu'il a toujours fait profiter de son immense culture historiographique et culture de collectionneur. Il est absent pour des raisons de santé, et M. Yves Frelon a bien voulu nous présenter un texte de François Formel qui n'a pas été immédiatement écrit en direction de cette, en prévision de cette journée, mais qui a rapport avec elle puisqu'il porte sur le langage. Et je lui laisse donc la parole pour présenter le texte intitulé « Un précurseur ». Édouard Pilastre et son lexique sommaire de la langue de Saint-Simon, en le remerciant pour se faire l'interprète de l'absent. Donc, merci à Delphine Mouquin et à Marc Hersin de me permettre de participer à cette journée. Donc, comme il vient d'être dit, je ne suis pas du tout un spécialiste de Saint-Simon, ni même un connaisseur, mais mon voisin, François Formel, qui lui est un grand connaisseur et grand bibliophile, et qui a dû partir en maison de retraite à Auxerre, m'a distrait pendant de longues années avec ses histoires du grand siècle et autour de la généalogie dont c'est un grand spécialiste, puisque sa thèse qu'il avait faite à la fin des années 78 portait sur le souci de la généalogie chez Saint-Simon. Et comme les journées dans Lyon sont un peu longues, je me suis demandé à un moment donné si je ne pouvais pas le distraire un peu, et j'ai cherché sur Internet s'il y avait quelque chose en rapport avec Saint-Simon qui pourrait un petit peu l'occuper. Et j'ai vu un livre, donc c'était un livre de 1900, un lexique donc, de la langue de Saint-Simon par Édouard Pilastre. Il était joliment relié et puis il contenait des documents ajoutés à l'intérieur du livre. Donc je connais le terme maintenant, on dit que ce livre est truffé, c'est-à-dire on lui rajoute des documents d'époque. Donc c'était l'exemplaire de l'auteur, donc l'exemplaire de Pilastre. Donc j'ai joint M. Formel, et là, surprise, je lui ai lu un petit peu les lettres qu'il y avait dedans avant d'acheter le livre, et il est devenu lyrique. C'était extraordinaire, c'était un complément à ses recherches de sa thèse, quelques années après, bien sûr. Et il était capable de me dire que la lettre qui était insérée dans le livre, c'était une lettre de Boislille, allait être à telle en tête, il savait décrire sa signature, etc. Et donc, au final, j'ai acheté le livre, hein, il est ici. Je l'ai amené, s'il y a d'autres amateurs qui voudraient le compulser ou regarder les documents qui sont insérés dedans. Et apprenant le thème du colloque, M. Formel a écrit une communication que je vais vous lire autour du langage de Saint-Simon et donc de ce livre qui est un lexique de la langue de Saint-Simon. Un dernier mot avant de faire ma lecture. Vous allez l'entendre, Boislille parle dans son courrier qui est inséré dans le livre en 1905 et il s'adresse à ses successeurs qui peut-être en 1930 voudront prolonger son œuvre et faire un lexique vraiment complet, vraiment exhaustif. Donc peut-être hein, dans la salle se trouvent ceux qui vont prendre la suite, puisque ça n'a jamais été fait jusqu'à ce jour. Et à ce moment-là, j'aurais été vraiment ravi de pouvoir faire ce lien entre Saint-Simoniste, dont je ne suis pas. Donc, un précurseur, Édouard Pilastre et son lexique de la langue de Saint-Simon, 1905. On sait que seul le proche entourage de Saint-Simon se doutait qu'il écrivait, notamment le duc de Luynes, qui lui prêta le journal de son grand-père, le marquis de Dangeau, et dont Saint-Simon fit faire une copie, sauf à la noter considérablement, et qui constitue en quelque sorte l'amorce des mémoires. L'inventaire de 1755, après décès du duc et père, fait état aussi d'écrits considérables, à la fois politiques, juridiques et généalogiques, dont il est revenu à Yves Coirot d'établir un état scrupuleux grâce aux archives diplomatiques où l'ensemble avait été porté après le séquestre décidé par Choiseul en 1760. Ce même ministre, captivé par la chronique des 11 portefeuilles de Saint-Simon, en fit faire des copies plus ou moins importantes dont allaient bénéficier de rares privilégiés dans les années 1770. Ce fut le cas tout particulièrement de Madame Dudéfant, dont le salon littéraire était particulièrement réputé et qui fut une des premières à témoigner des plaisirs indicibles et infinis à se trouver hors de soi, ainsi qu'elle l'écrivait à son correspondant Horace Walpole. Ses seules réserves étaient d'avoir été frappées par l'originalité du style et de la langue, qu'elle regrettait de ne pas avoir un caractère académique. Le duc lui-même ne devait-il pas avouer avec une ingénuité complice qu'il n'était pas un sujet académique? Il se voulait témoin de son temps, chroniqueur, inspiré qu'il avait été par la lecture de Bassompierre, et avec l'espoir qu'une publication qui devait être très postérieure, car enfin un gentilhomme ne saurait mettre enseigne d'auteur. Des copies, on passa aux publications très partielles dès 1786 pour aboutir avec Sous la vie à une édition en 7 volumes, en 1788 et 1789. Un des lecteurs assidus fut un cousin du duc, oncle du philosophe, dont l'inventaire de la bibliothèque fut retrouvé ces dernières années par Eudes de Saint-Simon, un descendant de la branche Sandricourt. En l'occurrence, c'était l'évêque d'Agde, dont l'abbé Anquetil reproduira le témoignage saluant la qualité de la conversation du duc, comparable à un dictionnaire, le plus séduisant et le plus brillant, l'œuvre écrite du duc étant à l'image de cet exercice réputé de la convivialité. Ultérieurement, les lettrés purent se référer aux deux éditions déjà notables de Treutel en 1791 et de Sautelet en 1828. Ce fut le cas de Stendhal, qui possédait ces deux publications, conservées actuellement, et qu'il prit soin de couvrir d'annotations relatives à la qualité littéraire, en partie publiées dans ses marginalia. Tout au plus, regrettait-il la propension du mémorialiste à insérer des développements généalogiques au lieu de nous donner le portrait de Madame de Rohan. C'est reconnaître la valeur exceptionnelle des portraits, joyaux de l'œuvre, et auxquels Dick van der Cruys a consacré un érudit ouvrage. Osera-t-on remarquer que chaque portrait est en fait un triptyque? Les deux premiers pans, physique et moral, sont souvent déduits d'observations, voire d'entretiens avec l'intéressé. Le troisième, qui est le complément généalogique, plus ou moins fort longé et parfois très élaboré, comme l'est celui de l'abbesse de Maubuisson, nécessitait un état préparatoire dont on a montré qu'il commençait par un tableau figuré qu'on voit d'un seul coup d'œil. C'est, compte tenu de l'importance de la richesse de la bibliothèque ducale, pour ne rien dire de nombreux écrits très élaborés, comme les notes sur les déchets péris, un des traits fondamentaux de l'optique même du duc. Aussi apparaît-il regrettable que d'aucuns fassent l'impasse sur cet aspect généalogique de l'œuvre, dont la précision du langage est en rapport avec cet exercice historique et quasi-scientifique, pour n'y voir que le reliquat d'une culture que nous ne maîtrisons pas. La qualité littéraire de la langue, quant à elle, sera étudiée tout au long du XIXe siècle, comme l'indiquent les bibliographies. On citera pour mémoire Montalembert et surtout Sainte-Beuve, indépendamment de nombreux ouvrages et articles, avec par excellence Marcel Proust, en osmose si parfaite avec Saint-Simon qu'il composera des pastiches dont se sont fait l'écho les spécialistes des deux auteurs. La recherche vient donc comme un écho des mémoires, chaque écrivain analysant la société de son temps. Proust aborda l'œuvre à partir de l'édition Cherwell, qui donne le texte intégral dès 1858, sauf à une réédition vers 1875 avec la collaboration de Régnier et Boislil, avec une notice de Sainte-Beuve. On peut douter que Proust ait été un souscripteur de la monumentale édition Hachette en 42 volumes sous la direction du même Boislil, dès lors que cette publication n'était qu'en cours et difficultueuse, comme on l'a montré à partir du fichier conservé aux Archives nationales. C'est en 1905, lorsque paraissait seulement le tome 18 des Mémoires de Boislil, que fut publié l'ouvrage d'un juriste lettré, Édouard Pilastre, à Paris, chez Firmin Didot, soit un inuit de 150 pages sous le titre « Lexique de la langue de Saint-Simon ». C'est ici la découverte si opportune d'Yves Frelon. Pour notre actuel colloque de l'exemplaire de l'auteur, avocat honoraire du tribunal de la Seine, sous forme d'un volume finement relié en demi-marocain aubergine, tête dorée, couverture conservée, avec l'ex libris gravé se rapportant à la chasse et pêche, vous pourrez le voir, hein. Et surtout, suivant l'appellation consacrée par les bibliophiles, apparaissant truffé d'un précieux complément de documents montés sur onglet. Pas moins de 37 lettres ou cartes et de 18 articles de presse saluant cette parution linguistique. En l'occurrence, il s'agit donc de témoignages ayant suivi l'envoi du volume à des personnalités, au nombre desquelles figurent le duc de Beaufremont, Joseph Bédier, littérateur connu, Gaston Boissier, qui devait écrire à un Saint-Simon, Paul Deschanel, futur président, Ernest, son parent, ayant écrit sur la formation de la langue française, Monsieur d'Oussonville, auquel on doit, entre autres, les 4 volumes fondamentaux consacrés à la duchesse de Bourgogne, Jules Méline, Madame Isaac Perrer, des banquiers si liés au philosophe Saint-Simon, Paul Thureau d'Angin, l'historien, le marquis de Vogue, dont la famille se consacre à la rénovation de Vaux-le-Vicomte. Avec un certain succès, l'ouvrage devait bénéficier de plusieurs présentations officielles en 1905, dont l'exemplaire de l'auteur garde souvenir, comme à l'Académie des sciences morales et politiques, le 17 juin, avec la notification signée par le secrétaire perpétuel Georges Picot, auteur d'une publication sur Saint-Simon, ou à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, signée par le secrétaire perpétuel Georges Perrault. L'ouvrage suscite l'intérêt de la notable Société des antiquaires de Picardie, de l'Ordre des avocats, précisant que le livre sera déposé à la bibliothèque, et enfin celui de la Fondation Thiers, avec une lettre d'Émile Boutroux du 5 juin 1905 qui avise Pilastre. « Cher maître, je vous remercie bien vivement de votre aimable envoi et présenterai ce nouvel ouvrage à l'Académie dès qu'il me sera possible, votre bien dévoué, Émile Boutroux. » Parmi les 17 comptes rendus, on retient celui du journal officiel, dont la reproduction a fait l'objet d'une transcription intégrale et manuscrite remise à Pilastre, publié d'après le compte-rendu des séances de novembre 1905. Il y est indiqué « Monsieur Boutroux a l'honneur de présenter un lexique sommaire de la langue du duc de Saint-Simon par Monsieur Pilastre. Cette langue est en général celle du XVIIe siècle, à laquelle il s'y mêle des restes de celle du XVIe et certaines innovations du XVIIIe. Monsieur Pilastre recueille toutes ces bizarreries, aujourd'hui tombées en désuétude, qui contribue à la richesse, à la vérité, à l'originalité du langage de Saint-Simon, dont maintes fois nous ne pouvons nous empêcher de regretter la disparition. » Pour expliquer certaines, M. Pilastre a fait appel aux auteurs les plus reconnus, messieurs de Boislil, Littré, Cheruel, Hatzfeld, Darmesteter, et c'est pour un lettré curieux et délicat, un livre qu'il offre non aux spécialistes, mais aux gens du monde désireux de lire Saint-Simon, en cédant des ressources fournies par les travaux des hommes spécialisés. Séance du 19 juin 1905. Des réceptions du livre, le professeur Gazier, donc c'est un des témoignages dans le livre, assurait qu'il avait lu avec attention la préface et parcouru le texte, peut-être pas assez spécial à Saint-Simon, si j'ose dire, et puis les étymologies sont-elles indispensables ? J'accélère. Un volume de Vaux 5 à 6 fois plus gros rendrait bien service au lecteur. L'avocat Charles-Henri Dubuis écrit quant à lui à l'auteur qu'il est un heureux homme de s'occuper sans lassitude à tant de choses intéressantes. Mais quel détail ! La partie étymologique a dû vous coûter beaucoup de recherches et souvent pour des résultats bien décevants. Un peu sévère. C'est encore ce qu'il appert de divers comptes rendus, dont on retiendra plus particulièrement celui de l'abeille de Fontainebleau, du 9 juin 1905. Sur la langue du grand écrivain, la richesse, la variété, l'originalité, l'abondance du langage de Saint-Simon peuvent soutenir sans peine la comparaison avec les modèles les plus achevés du siècle de Louis XIV. L'examen du style de Saint-Simon, l'étude grammaticale de sa phrase, la recherche littéraire des tours anciens ou nouveaux qu'il prend pour rendre sa pensée, avec une originalité inimitable, ne sont pas de notre domaine. À la lecture des pages qui suivent, on partagera sans doute notre regret que tant de mots naturels, expressifs, bien français, aient été perdus par l'usage, même chez les lettrés. L'Intermédiaire des curieux, une autre revue, du 10 juin 1905, retient que « ce bijou qu'est la langue de Saint-Simon, M. Pilastre, par un soin intelligent, par un mélange adroit, en a fait surgir les moindres des joyaux, leur éclat se trouvant avivé par ses commentaires. » Leur éclat. Leur éclat se trouvant avivé par ses commentaires. Il est vrai que d'après Gabriel Anoto, le très érudit et collectionneur 17e, dans un article de 1905 seulement situé GH, ses initiales, je cite, « Si une langue mérite d'être connue dans ses détails, c'est bien celle de Saint-Simon, modèle de clarté, de netteté et de force. Mais on peut dire que cette langue de Saint-Simon a particulièrement besoin d'un lexique. » Édouard Pilastre, lui apparaissant comme un précurseur pour répondre à ce manque, Anoto suggère sa naturelle collaboration à l'édition Hachette des Mémoires, un des monuments les plus durables de la langue française. En effet, à la réception du lexique, Boislille écrit aussitôt à son auteur une lettre enthousiaste du 7 juin, à laquelle Pilastre répond avec empressement le 9 juin, en vue d'établir un glossaire élargi à la dimension de l'édition en cours. Alors maintenant, c'est la lettre de Boislille qui figure dans l'ouvrage, à l'entête de la Société d'Histoire de France, rue des Francs-Bourgeois. Monsieur, je reçois et classe dans le meilleur de mes portefeuilles le lexique sommaire que vous avez bien voulu m'envoyer. Inutile de dire s'il m'intéresse. Un seul regret qu'il soit si mince. J'aurais souhaité tout au moins que vous puissiez y relever tous les mots ou termes que j'ai dans mes notes. Il y a 5 ans, nous en évaluions le nombre à 1700. Depuis ce temps-là, il en a passé beaucoup dans les tomes 15 à 19, ce dernier est composé. Et nous nous amusons à multiplier les notes de langue, surtout à y joindre les définitions du dictionnaire de l'Académie en ce temps-là, qui sont souvent amusantes. Vous me reprochez sans doute de ne pas donner les étymologies. C'est une question qui revient souvent. Mon cher maître Adolphe Régnier a jugé très sagement que c'était une entreprise trop délicate. Et je crois même que celui de mes successeurs, qui vers l'an 1930 ou 1938, entreprendra le glossaire général, fera bien d'imiter notre prudence malgré les grands progrès de cette science. Pour un certain nombre de mots les plus sensationnels, il est peut-être regrettable que vous n'ayez pas voulu indiquer s'il se présentait plusieurs fois, ou bien si c'était un accident ou encore un lapsus. Je crois devoir m'y attacher. Peut-être aussi eût-il été bon de donner comme référence le premier passage où le mot se trouve. Ainsi, prenant une page au hasard, et donc, matamor, matin, matois, méconté, marotte, marqué, marquise, mascarille. À chaque fois, Boislille fait le lien avec le paragraphe où il apparaît pour la première fois. Excusez-moi d'insister. Cela me passionne tout comme vous, et j'ai quelquefois pensé que nous pourrions, quand aura paru le tome 20 qui se prépare, que nous pourrions donner un relevé général de toutes nos notes de langue. Il y en aura bien 3000 alors, et le public est friand de ses curiosités. C'est dire que votre volume, monsieur, va être bien accueilli, et je vous prie d'agréer ce souhait de votre serviteur et confrère en Saint-Simonisme. Boislille. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a la réponse de l'auteur à Boislille, parce qu'il a copié, il s'est fait un duplicata de ce qu'il a répondu à Boislille, sans doute qu'il était flatté. Monsieur, donc ça c'est la réponse de l'auteur à Boislille. Monsieur, je vous remercie de la bienveillance avec laquelle vous avez bien voulu accueillir mon envoi. C'est un essai un peu mince que mon lexique, mais j'ai voulu me limiter. Je désirais être lu non seulement par les érudits, qui sont avec raison difficiles, mais surtout par ces curieux, par ces amateurs du temps passé, qui sont moins rares à Paris qu'on le croit, et dont l'indulgent suffrage est quelquefois acquis aux moindres travaux sur leur époque favorite. J'espère, monsieur, malgré mon âge, voir paraître le résumé général de vos notes que vous annoncez. Cet ensemble offrira le plus grand intérêt, ne le faites pas trop attendre au public lettré. Permettez-moi, monsieur, en terminant, de vous exprimer toute ma reconnaissance pour le profit que j'ai tiré des publications qui ont rendu votre nom célèbre. C'est un tribut qu'un soldat offre à son général. Ne le dédaignez pas. Vous savez ce que, d'après d'Anjou, les ambassadeurs du dey d'Alger ont dit à Louis XIV, en rappelant le don de la cuisse de sauterelle offert par la fourmi à Salomon. On retrouve la fourmi qu'on a écoutée marcher tout à l'heure. Le décès prématuré de Boislil dès 1908 et celui de Pilastre en 1910 ne permirent pas la concrétisation du projet de collaboration pour une extension du glossaire. La publication des mémoires se terminera seulement sous la direction du fils de Boislil, de Léon Lecestre, avec la collaboration de Monsieur de Bretonne pour les deux volumes de la Table Générale de 1930. Les compléments annoncés comme ultérieurs par Boislil en préface de son édition, c'est-à-dire généalogie, lexique ou glossaire, bibliographie générale, ne seront réalisés que bien plus tard, avec la réédition intégrale des 42 volumes parus en souscription à partir de 1975 aux éditions Vendôme, dites éditions du tricentenaire, et non pas édition de l'Étoile du Sud, comme on le trouve souvent indiqué par erreur dans certaines bibliographies. Cette édition, trop rarement citée dans les bibliographies d'ouvrages ultérieurs concernant Saint-Simon, composée de 22 volumes à 2 tomes chacun, comprend aussi la table autographe du duc et des écrits inédits, et ne laisse au final, parmi les promesses de Boislil, que le seul lexique à l'état d'inachevé. On en est toujours là. Serait-il alors aujourd'hui l'heure de reprendre le flambeau que Boislil avait pourtant bien transmis dans sa lettre de 1905 à ses successeurs de l'an 1930 ou 1938. C'est ce qui pourrait constituer la plus importante suite au colloque présent sur la langue de Saint-Simon. Mais un lexique vraiment complet et visant un véritable tout Saint-Simon devrait aller au-delà de l'édition du tricentenaire et aussi tenir compte des additions au journal de Dangeau, de la publication des écrits inédits en 8 volumes dits de Faugère, parallèle des 3 rois à Bourbon, et les notes des Tuchet Péri, sans omettre les publications d'Yves Coirot, dont les grimoires et la correspondance connue du duc, éditées chez Champion avec sa magistrale édition des mémoires à la Pléiade. À revenir au lexique de Pilastre, à titre indicatif et pour mettre en relief l'intégration d'expressions relevant de l'usage de la conversation, on choisira quelques tournures anciennes du langage, encore en usage à la cour, certaines étant empruntées en osmose avec l'équitation, la vénerie, à l'étiquette et au protocole, voire aux usages linguistiques de la haute société auxquels Saint-Simon était familier, ne serait-ce qu'en faisant référence à l'éducation paternelle et avec ses contacts avec la vieille cour. En vertu de ces injonctions dans l'œuvre ducale, cela permet de ressusciter de vieux vocables qui ne sont pas encore tombés véritablement en désuétude, sauf à retenir la courtise, la princerie, la loucherie du cardinal de Bouillon, la conctation pour qui aimait à temporiser, les excogitations, la fêtardie, une raclée de paroles, une écorne au rang ducal, les grossièretés de langage des égueulés, EES, une femme ébreneuse, une albrenante femelle, une figure de plat apothicaire, grosset, basset et fort enluminé. Pour les adverbes, on retiendra puamment, regarder un peu hagardement. L'invention donne le plus libre cours à la richesse de la langue par la prodigalité des verbes comme adomestiquer, apothéoser, bistourner, brocarder, capricer, craqueter, débagouler, langailler, soutrecuider, verbiager. Pour l'exemple, c'est se limiter à quelques expressions, des raisonnements tirés à l'alambic. Il fallait sauter ce fâcheux bâton, une espèce de biscuit manqué, ces élixirs de cour, un fumet de jansénisme, être fort en gaufre entre deux camps, fort dans le grand monde à force de lessive, il était comme un pou entre deux ongles, être au pot ou au logis d'autrui, être au vol des femmes. Ceux qui goûtent ces réminiscences sont comme invités à lire l'auteur des mémoires, inépuisable palette, nous révélant les phrases et locutions de Saint-Simon, sauf à mieux connaître son caractère, celui d'un impitoyable observateur, particulièrement avisé, grand littérateur malgré lui, et dont la riche conversation ne manquait sans doute pas d'être redoutable, voire épineuse au vu de certaines fulminations. L'étude de la langue et du style de Saint-Simon ne manqua pas de retenir l'attention de divers chercheurs, et plus particulièrement, Pierre Adam, contribution à l'étude des mémoires de Saint-Simon, le vocabulaire et les images. Madame Roufiange d'Arotchetch, lecture syntaxique des mémoires de Saint-Simon. Plus récemment, on se référera à la bibliographie critique de Philippe Ourcade. Soit une étude des livres et articles sur la langue de Saint-Simon, faisant suite au corpus bibliographique, tome 26 de l'édition du tricentenaire, sauf à ajouter notre modeste contribution linguistique relative aux termes employés pour éclairer les divers degrés de la hiérarchie nobiliaire. tome 23 de l'édition précitée. C'est encore retrouver les cahiers Saint-Simon et leur fondateur Yves Coirot, dont l'édition à la Pléiade recèle d'innombrables commentaires linguistiques. Comme il le disait, en Saint-Simon, il y a encore du grain à moudre, comme de réaliser un lexique ou glossaire à l'échelle de l'édition de Boileau complétée, et cela empêche encore quelques-uns de dormir. Ce fut le cas de Jean de la Varande, dont la langue et le style trahissaient comme une osmose avec ceux du duc et pair dans la fine analyse de Monsieur le duc de Saint-Simon et sa comédie humaine. Dans cette optique, Philippe Soler lui-même, qui dans un entretien avec Cécile Gilbert reproduit dans le magazine littéraire, n'hésite pas à confesser de son côté sa passion pour le plus grand écrivain français et le mystère de la langue française porté à ce point que je crois le plus sensationnel de tout ce qui a pu s'écrire dans cette langue. François Formel, le Vavasseur, docteur de l'Université Paris-Sorbonne. Et merci vivement pour ce texte très émouvant, où on ne sait trop ce qu'il faut le plus admirer, la description impeccable d'un volume. C'est toujours admirable, la description d'un volume par quelqu'un qui est un grand bibliophile. La conversation entre ces gens d'autrefois qui font rougir les universitaires actuels par la grâce et la qualité de leur langue, de leur politesse, de leur vocabulaire, l'analyse qui est proposée et les projets qui sont ouverts et qu'il faudrait réaliser. Tout ce qu'on peut dire de ce texte, c'est qu'il est tout à fait exempt du défaut d'avoir verbiagé. Je vais donc maintenant ouvrir la discussion sur ces quatre communications, en demandant peut-être aux intervenants précédents de revenir pour y répondre. Je crois que nous n'aurons pas assez de chaises pour tout le monde. Vous savez, Versailles est un château qui a été très appauvri par les ventes. Tout le mobilier du roi est parti, donc nous manquons de sièges. Mais s'ils veulent revenir malgré tout, ceux qui ont parlé précédemment, nous pouvons peut-être essayer de trouver... Vous n'avez vraiment pas un autre fauteuil à nous proposer, un petit quelque chose, non? Oui. Je suis désolé. Quelle grandeur en cette pauvreté. Bien, y a-t-il donc des questions sur l'une de ces communications? Peut-être pas sur la dernière, dans la mesure où l'auteur n'est plus là pour y répondre. Il n'est pas parmi nous en ce moment, donc nous pourrons lui transmettre les questions éventuelles, mais plutôt pour ceux des trois communicants qui se sont proposés précédemment, nous ont proposé leur lecture. Alors, je vais ouvrir la chose en faisant moins une question qu'une remarque qui m'a été suggérée par l'une des citations, Damien, que vous proposiez sur le parler gras de la duchesse d'Orléans. Et effectivement, sur un point qui a été moins traité peut-être, qui sont les dérapages de prononciation, les égarements de prononciation. Car entre le langage entendu et le langage écrit, il y a effectivement la prononciation. C'est une chose très difficile pour un écrivain, quel qu'il soit, que de transmettre la prononciation. Je pense toujours à ce passage des Splendeurs et misères des courtisanes où Balzac, après avoir transcrit le parler plus ou moins allemand de Nucingen, écrit « Ce n'est pas qu'il ait cessé de parler comme je le fais écrit, comme je l'écris, mais enfin, étant donné que c'est très difficile à lire, maintenant j'écris ça en français normal. » Vous voyez, c'était un moment, il fallait essayer. Comment traduire effectivement une difficulté de prononciation? Et j'y pensais à propos de votre texte, puisque ce parler gras, il y a une comédie de Molière, une comédie d'un écrivain dont j'oublie le nom, je ne sais plus si c'est Hauteroche, Chapuzot, qui présente une petite comtesse qui parle gras. Je ne sais pas si vous avez souvenir de cela dans les textes du XVIIe, non? Et donc cette comtesse parle gras, et on se demande ce que c'est, et l'auteur retranscrit comment elle doit parler. Alors on croit comprendre qu'à la place des R, elle met des L. C'est un peu comme le parler des précieuses, des merveilleuses et des incroyables, vous voyez, quelque chose de ce genre, mais en un peu plus compliqué. Et on doit avouer qu'on est extrêmement reconnaissant aux écrivains qui prennent le soin de nous transmettre d'une façon ou d'une autre la prononciation que nous n'avons pas dans ces siècles qui n'ont pas d'enregistrement. Et donc, dans cette idée de dérapage par la prononciation, je crois qu'il y a une dimension ténue de l'objet de notre colloque, qui ne peut pas évidemment intervenir, mais dont on sent que, notamment chez Proust, ça vient souvent. Je crois que la prononciation de Françoise est assez intéressante de ce point de vue. Donc je crois que c'est également un élément qui prouve combien le sujet que nous avons traité est passionnant et le grand nombre de questions qu'il soulève et qu'il ne va pas maintenant manquer de soulever étant donné que j'ai fait mon boulot. Y a-t-il une question ? Je vous en supplie. Tout cela appelait énormément d'interrogations, il me semble. Alors, je peux évidemment en poser une, mais enfin... Un silence éloquent. Oui, voilà, c'est exactement cela. Moi, j'aimerais juste simplement ajouter pour prolonger ce que vous disiez, qu'il y a évidemment un intérêt très soutenu de Proust pour la manière dont Balzac se confronte au problème. On a une lettre dans laquelle il dit son intérêt pour la chose, en particulier effectivement pour Nucingen et pour Schmuck dans Le Cousin Ponce. Et en même temps, il déplore que cet effort de Balzac sur les parlures ne s'accompagne pas de considérations sur les mimiques des personnages. Donc en tout cas, on a une lettre, qui est également une lettre à Paul Soudet, je crois, qui manifeste son intérêt pour la chose. Et chez Proust, on a effectivement de très nombreux exemples de prise en compte de la prononciation. Et exactement pour illustrer ce que vous disiez, il y a un personnage russe, je pense que c'est la princesse Sherbatov, mais je ne suis pas sûr. Et Proust s'amuse à retranscrire tout un tas de mots en remplaçant les R par des L. Et il est question notamment d'un petit selcle. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Madame, au fond. Merci. Nous allons vous monter un micro. Elle peut donner son nom. Attendez une seconde, un micro vient vers vous. Et puis, Monsieur Ourcade me demande si vous pourriez donner votre nom au moment où vous intervenez. Je ne sais pas pourquoi, mais il est très curieux, vous savez. Alors, je m'appelle Anne Guillabert. Merci. Et ma question s'adresse plutôt à Damien Crelier, qui a cité un article de Marc Hersant, mais sans nous dire où on pouvait le trouver pour le lire. C'est un article de 2016. À vrai dire, moi, Marc Hersant me l'a envoyé sous forme de document Word. Et donc, c'est une publication dirigée par Luc Fraisse. C'est probablement dans les cahiers Proust. Voilà. Ces cahiers Proust moi j'ai eu l'article en 2016, c'est probablement les cahiers Proust 2017. Voilà. Et ça s'appelle La folie Saint-Simon. Là vous êtes dans les coulisses de la recherche où on reçoit les articles avant qu'ils ne paraissent. Si bien qu'on ne sait pas où ils paraîtront puisqu'on les a eus en primeur. Voilà, c'est le système des primeurs. Y a-t-il d'autres ? Je suis presque sûr en fait, c'est les cahiers Marcel Proust, probablement 2017. C'est une publication différente, c'est pas une revue en fait, c'est un petit volume qui a une forte autonomie si je ne dis pas de bêtises. Bien, y a-t-il d'autres questions sur les autres communications éventuellement, même si elles étaient si complètes qu'évidemment elles ne laissent pas de manque, mais si vous souhaitez, la parole est à vous, nous avons encore quelques minutes. Alors, je rebondirai volontiers sur les problèmes d'éloquence pour évoquer celle des prélats, en me demandant si dans les mémoires de Saint-Simon, on peut avoir un écho de l'importance, de la nature, de l'audition, de la parole professée en chair, de la parole des prélats. Et si vous pouviez nous dire quelque chose à ce sujet. On va vous donner un micro, d'ailleurs. Je vais vous laisser vous asseoir. Vous êtes gentil, merci. Sinon, je vais pas sauter sur les genoux les uns des autres. Alors, en fait, on peut remarquer assez souvent dans les portraits, il remarque assez fréquemment quand certains prélats montent en chair et justement, il est assez sensible. Quand ils sont éloquents, il met toujours en avant. Parce qu'effectivement, ça fait partie des prérogatives, en fait. De l'esthétique du moment, quoi, des choses. Parce que l'écho que l'on peut avoir, enfin moi, c'est au XVIIe siècle, c'est que ça fait partie un peu de la mode. Ça fait partie, c'est un peu comme de nos jours les présentateurs de télévision, quoi. Il y en a qu'on préfère, il y en a chez qui on va. Enfin, il y a donc une sorte de commerce de ce genre de choses. Et notamment quand il évoque le livre de Bossuet, hein, qui est écrit en fait Contes des Maximes des Saints, hein, la question du style de Bossuet qui parle à tout le monde, justement, et fait en fait tout le sel finalement de la controverse, moins le fond en fait que personne ne comprend, mais c'est le style qui emporte. C'est la même chose. Qui emporte la dispute. Palatine, hein, où elle, avec l'électrice de Hanovre, elle pèse ce qu'elles ont compris et ce qu'elles n'ont pas compris précisément. Autre question. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un silence après la mort de Madame de Saint-Simon, cette ligne de larmes qui est écrite sur le manuscrit? Comment est-ce que le silence de la mort de Madame de Saint-Simon figure dans la liste de silence? Elle est dans une lettre, c'est-à-dire un Saint-Simon qui n'ose pas aller sur les lieux qu'il fréquente avec sa femme. « Je suis comme un enfant », dit-il. Il a une jolie formule. Mais il marque le manuscrit avec les larmes, n'est-ce pas? Non. Là, c'est une lettre adressée à Claude, son cousin. Et le manuscrit des mémoires. Donc, c'est un silence indiqué par un dessin. Oui. Physiologie post, c'est une bonne dépression. C'est surtout une rupture de la narration. Brutale, signalée et même décorée. Et impressionnante à regarder dans le manuscrit. On voit un tremblement, on voit une émotion pure. Et François Ravier a consacré un article. À la larme, c'est une ligne de larmes. Je voulais d'ailleurs vous poser une question en rebondissant sur cette idée de silence. Par rapport aux autres mémorialistes que vous connaissez mieux que personne, et pour Saint-Simon lui-même, attribueriez-vous cette capacité de faire parler le silence davantage à son statut de courtisan ou son statut de diplomate? Parce qu'il me semble qu'il y a un silence de courtisan, un silence de diplomate qui n'est pas tout à fait le même. Je connais l'expérience d'un de mes parents qui s'est trouvé, étant militaire très haut gradé, d'aller à une réunion autour du prince Sihanouk. Et au milieu de la réunion, il y a eu un grand vide, un blanc. Alors, il s'est employé à parler pour combler le silence jusqu'à ce qu'il apprenne que ça se faisait dans ces réunions-là de faire un quart d'heure de silence toutes les heures pour que les gens se reprennent. Donc, c'est ce qui s'appelle gaffer. Vous voyez, c'est un peu un égarement de langage que je me permets de rapporter, bien qu'il soit familial. Alors, je voulais savoir si vous aviez senti davantage le silence diplomatique ou le silence courtisan. Courtisan. Je pense que ça fait partie de l'appareil du courtisan. Oui. Se taire. Oui. Parler au bon moment. Oui. On peut dire les deux quand même, les François. Deux, oui, parce que je pense quand même à des travaux qui ont été faits sur l'homme de cour, mais qui est en même temps l'homo politicus. C'est un petit peu les deux choses à la fois. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Me pose la question, est-ce que Saint-Simon est un homme de cour, hein? C'est un silence de prudence, d'attention. Et qui s'ajoute donc à ce silence d'éducation que l'abbé Dinoir a donc traité dans le titre, dans le volume qui s'appelle L'art de se taire. Il y a l'aspect religieux, voilà, du silence. Et qui est la troisième dimension, en somme, qui est l'éducation religieuse et la dimension du silence devant Dieu et du silence aussi qu'on doit conserver lorsque on est homme d'église et qu'on est dans le monde, parce que c'est aussi ces effets intermédiaires. Et donc, je me demande si dans le silence, il n'y a pas ces effets de porosité. C'est-à-dire que le silence du diplomate est souvent imité du silence du prêtre, parce que les prêtres sont de grands diplomates. Et le silence de cour est souvent imité du silence du diplomate, parce qu'il faut être diplomate à la cour. Il y a donc un jeu des différents recouvrements. Mais je me demandais si vous aviez le sentiment qu'il y avait un silence différent dans sa couleur, selon qu'il procédait de l'une ou l'autre inspiration. Il y a le silence du mémorialiste, surtout. Ah, très bien. Qui est le plus intéressé, en fait. Oui. Et ça, c'est une question qui reste à traiter. Oui. Hein. Après la mort de l'interruption des mémoires. L'interruption des mémoires, et puis tout ce qu'il n'a pas écrit. Il y a ça aussi, pourquoi ne pas aller un peu au-delà. Ça, c'est aussi, le silence. Aussi, oui. Monsieur? Non, juste un mot. J'ai bien connu le roi Sihanouk et un temps de silence était une manière de courtoisie quand il voulait bien prendre la parole. Permettrait en caradoté, comme tous les vieux ambassadeurs, d'ajouter un trait qui est un peu amusant. J'étais en conversation avec lui, avec les collègues anglais et américains. L'américain parlait américain, l'anglais parlait anglais. Et notre collègue appelait le roi Sihanouk « Majesty ». Alors j'ai remarqué que quand moi je disais « Sire », il baignait d'aisance. Il y a beaucoup de silence et de sens autour de certains mots, choisis plutôt que d'autres. Tout est affaire de choix. Bien, y a-t-il une dernière intervention ? Merci en tout cas, monsieur, pour cette intervention. Non, bien, je crois que nous pouvons nous féliciter de la qualité de cette journée. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la qualité de son architecture. Je ne sais pas si vous avez senti cela. Moi, ce matin, j'étais très frappé par les deux communications de Marc Hersant et Philippe Pourcade qui se regardaient. L'un faisait le relevé des dérapages langagiers des personnages, l'autre faisait l'exposé des congruités rhétoriques de l'auteur. C'était donc deux communications qui s'intriquaient l'une en l'autre. Et puis, nous avons eu ensuite des communications qui s'interpellaient d'une demi-journée à l'autre, c'est-à-dire la communication sur les débordements de la Palatine et la communication sur les débordements des prélats, qui sont en quelque sorte en écho l'une avec l'autre. Puis la communication sur le cadastre des silences par M. Harrison et la communication sur la circonscription des lacunes et des silences par M. Raviez. Là encore, nous avions un effet en quelque sorte d'écho. Nous avons eu ensuite les variations de Mme Mouquin sur la parole affolée. Et puis nous avons eu le texte de M. Crelier et celui aussi de M. Formel sur les éclats ou les rubriques. Et nous avons là des sortes de précision, de, je dirais, d'incrustation d'un langage assez différent, qui est un langage, le fou comme la parole cristallisée, ce sont en somme des paroles qui ont cessé d'être fluides, qui ne sont plus échangeables, qui sont comme arrêtées dans un autre monde ou dans une autre structure. En somme, tout cela s'interpelle, et je dirais donc, pour conclure, et avant de laisser la parole à Delphine Mouquin qui va terminer les choses, que dans cette journée d'études, il n'y a eu aucun égarement de langage. On peut s'en féliciter, en somme. Le sujet a été traité, mais sans les erreurs que l'on cherchait dans le sujet qui a été proposé. Et maintenant, nous allons entendre l'organisatrice pour la féliciter, car évidemment, avant même qu'elle ne prenne la parole, je dois dire notre sentiment à tous d'avoir été merveilleusement accueillis, très heureux d'entendre tout ce que nous avons entendu, et plein de reconnaissance à l'égard de ceux qui ont organisé ce festival de plaisir. Je poursuis puisque c'est aussi pour exprimer ma reconnaissance que je prends très brièvement la parole. Donc merci beaucoup aux deux présidents de séance qui nous ont menés jusqu'à ce soir. Un grand merci au centre de recherche Château de Versailles qui toujours nous accueille avec vraiment beaucoup d'efficacité, beaucoup d'amabilité. Merci, on a la conscience d'être privilégiés d'être ici, même si Versailles c'est un peu chez Saint-Simon, mais maintenant nous sommes aussi chez nous grâce à vous ici, et c'est un vrai plaisir. Et puis merci bien sûr à tous ceux qui ont accepté de parler et de faire revivre une fois de plus Saint-Simon. Merci. Merci. Merci pour votre lecture. Vous lisez très bien, vous savez. C'est très rare, les gens qui lisent encore très bien. Donc je vous félicite. Vous avez admirablement servi le texte. Il faudra qu'il le sache, parce que c'est important quand on parle de la version numérique. Ça sera enregistré, c'est ça, juste pour être sûr. Voilà, exactement. Là, je m'étais trompé, c'est bien Edouard, bien entendu, mais il se trouve que même.